toi à ce glorieux message révélé en notre temps. Et ce glorieux message de toi, Jésus, ainsi nous voulons nous confier à toi. Let's go.